invite un constat, notre passion se fane. Tel un coquelicot au rouge édulcoloré qui blanchit dans la nuit et se teinte diaphane. Éternel qui parle d'au revoir.